fragile équilibre, seul dans ma salle de bain. Debout, le regard vide, pour affronter le matin. Je suis encore entré tard, je sais bien que c'est pas bien malin. Et je vais être encore en retard, même 35 heures, c'est pas rien. Motivé pour y croire, objectif, incitation. Formé pour la victoire, faut bien aller au charbon. Et je vais être encore en retard, il faut que je fasse attention. Mais courir c'est pas facile, surtout dès le réveil. Après des trucs inutiles, comme une place au soleil. Moi au bout de mes ambitions, y'a un petit noir au comptoir. Et du temps pour ma Susan, y'a que ça qui me donne de l'espoir. Ouais. Facile, surtout dès le réveil. Après des trucs inutiles, comme une place au soleil. Ouais, courir c'est pas facile, surtout dès le réveil. Des fois j'aimerais plutôt dormir, bien à l'abri du soleil. Merci.